silence, Hubert. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. Nous sommes le mardi 10 mars 2015. Un autre jour est possible, votre réveil culturel jusqu'à 6h30, réalisé par Michel-Ange Vinti et Thomas Duterre, avec à la coordination Henri Leblanc et Sacha Depersin au programme. Ce matin, en deuxième partie, je serai avec Oriane Jeancourt pour parler de nos coups de cœur communs avec le magazine Transfuge, littérature et cinéma. Mais pour commencer, c'est notre série. Hey, hey, young, hey, hey, young, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, ya, hey, hey, young, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, yana, ana, opa, yeah, yeah, ya, hey, hey. Les Indiens d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes avec Marie-Hélène Fraissé. Aujourd'hui, deuxième partie. Alors, après avoir déferlé sur les Antilles, dans le sillage de Christophe Colomb, la vague de la conquista va atteindre le Mexique, une autre manière de découvrir ce nouveau monde. Bonjour Marie-Hélène Fraissé. Bonjour Tufik. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre les explorateurs de l'Amérique du Nord et ceux espagnols de l'Amérique du Sud? C'est un décalage dans le temps. Hein. Ils sont là dès 1492, date bien connue. Ils investissent très très vite le Mexique, c'est l'aventure de Cortés, le Pérou. Alors le Mexique, qu'on appelle Nouvelle-Espagne, est très riche, c'est une réussite. Et au cours du XVIe siècle, ils sont quand même tentés, ces Espagnols qui réussissent si incroyablement, d'aller voir ce qui se passe au nord. C'est un peu qui trop embrasse mal étreint, parce que ça ne va pas forcément toujours très bien se passer. Mais ils poussent vers le nord. Alors au nord de la Nouvelle-Espagne, du Mexique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona, le Nouveau-Mexique, hein, qui a quand même gardé son nom, le Texas et la Floride aussi, puisque la Floride, dès 1510, les Espagnols y débarquent. Et cette conquête du Nouveau Monde, Marie-Hélène Fraissé, était-ce aussi une guerre des anciennes puissances européennes qui voulaient se partager ce rêve, ce gâteau, ce Nouveau Monde? Alors, ce n'est pas encore vraiment ça au début du XVIe siècle, parce qu'il n'y a que les Espagnols et aussi les Portugais, au sud, qui sont en lice. C'est au cours justement du XVIe siècle que les Français et les Anglais vont dire « et nous ». Ces Espagnols, au fur et à mesure d'une meilleure connaissance de ce continent, ils veulent leur part du gâteau. Et d'ailleurs, il y a ce mot bien connu de François Ier, « je voudrais bien voir le testament d'Adam pour savoir pour quelle raison il m'exclut, moi, roi de France, du partage du monde », puisque le pape avait décrété que le monde se partageait entre les Portugais et les Espagnols. Donc l'Amérique, au départ, est extrêmement floue dans les têtes. Au XVIe siècle, on ne sait pas du tout. On croit que c'est un chapelet d'îles. Petit à petit, les îles sur les cartes, on voit grossissent. On se dit, tiens, il y a beaucoup d'îles. Et puis, plus le XVIe siècle avance, et plus on voit que les terres en longitude, d'est en ouest, deviennent de plus en plus importantes. Jusqu'au jour où, et ça va prendre plusieurs siècles en fait, au lieu de chercher le passage vers la Chine ou seulement l'or, on va se rendre compte que ce continent en tant que tel, il faut l'investir. Et ça, en gros, il faut attendre presque le début du 19e siècle pour se rendre compte de ça. Alors, entre-temps, il y a ces contacts que je décris dans ce livre, l'impensable rencontre. Et moi, ça me fascine notamment pour deux aspects importants. C'est d'une part que le projet colonial est à l'œuvre dans toute sa cupidité qui se livre de manière mais naïve presque. C'est-à-dire, je viens, je prends et j'abuse. Hein. Et puis, il y a un autre aspect qui est moins moins effrayant, c'est aussi que ce sont des textes documentaires et que donc ils nous donnent à lire, comme dans un reportage, ces sociétés indiennes au tout début du contact, avant notamment que les grandes épidémies que nous allons apporter, et là c'est à notre insu, mais ça aura des effets délétères, ne détruisent ces populations, mais dans des proportions phénoménales. Chose qu'on a longtemps sous-évaluée, c'est-à-dire que les populations indiennes d'Amérique du Nord, qui sont aujourd'hui évaluées à environ 12 millions, mais bon, tout ça reste sujet à dispute de spécialistes, vont être réduites à très très peu par le jeu des épidémies. Alors évidemment, il y aura des expéditions punitives, mais il n'y a pas véritablement de plan génocidaire. Les maladies, d'ailleurs ces maladies, les puritains, quand ils débarqueront, dans la région de Plymouth le diront, nous sommes vraiment désignés par Dieu pour investir ce continent, puisque partout où nous passons, les villages sont déserts, parce que les microbes, les germes ont déjà circulé et éradiqué la majeure partie de la population. Qui sont les témoins de ces premières rencontres du côté espagnol? Qui va écrire sur ces premières rencontres, Marie-Hélène Fraissé? Alors, ils montent depuis le Nouveau-Mexique et ils partent aussi des Antilles, c'est-à-dire ils prennent un peu le continent nord en pince. Certains débarquent en Floride et cherchent à voir ce qu'il y a à l'intérieur des terres. Et d'autres viennent par voie de terre ou voie de mer depuis donc l'Amérique centrale, enfin la Mésoamérique. Et le tout premier, en fait, qui va investir cette partie qui est connue aujourd'hui comme le Southwest des États-Unis, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, est un naufragé, en fait, Cabeza de Vaca, qui va connaître un périple absolument incroyable parce qu'il est le rescapé d'une expédition qui a mal tourné, expédition espagnole, qui débarque en Floride, on fait des navires, on fabrique des navires de fortune, il se retrouve au Texas, c'est là Cabeza de Vaca se retrouve, il croit d'abord tout seul. Ensuite, chemin faisant, il va rencontrer d'autres naufragés. Ils vont être quatre, en fait, en tout. Et ils vont s'aventurer à l'intérieur de ce pays. Ça va durer 8 ans. Donc, c'est une véritable odyssée. Et là, on a un récit absolument extraordinaire, qui est un des grands classiques du récit de voyage, où on a un homme qui se met au service des Indiens, un blanc, qui se met au service des Indiens pour survivre. Alors, il va commencer par être esclave des Indiens, et puis après, il va trouver un créneau. Il va devenir colporteur et guérisseur. Parce qu'un jour, les Indiens lui disent « Est-ce que tu peux guérir ?» Alors, il commence à faire, vous savez, des pratiques pseudo-chamaniques. Il utilise son crucifix, et ça marche. Alors, voyant ça, il se dit, mais je vais leur... Parce qu'il n'est pas tout à fait dupe, mais en même temps, il s'aperçoit que ses guérisons opèrent. Alors, il va faire le guérisseur, il va faire le colporteur, il va se débrouiller pendant 8 ans, rencontrant chemin faisant d'autres Espagnols, et ils vont finir par retrouver, au bout de 8 ans, les possessions espagnoles, après des centaines et des centaines de kilomètres, et donc retrouver les leurs. Ce qui d'ailleurs sera une immense honte pour Cabeza de Vaca, parce que là où sont les Espagnols, les Indiens, les villages sont brûlés et les Indiens sont maltraités. Mais alors cette histoire extraordinaire que vous racontez, Marie-Hélène Fraissé, dans votre ouvrage édité par Albin Michel, L'impensable rencontre, ces chroniques des sauvages, entre guillemets, de l'Amérique du Nord, quand vous parlez de Cabeza de Vaca, c'est-à-dire c'est son errance qui va durer plus de 7 ans, il va pas se sentir comme prisonnier, il va profiter de ce temps pour apprendre la culture des autres. Et vous dites même que c'est un ethnographe avant la lettre. Oui, c'est-à-dire il est en immersion, il est bien obligé de se débrouiller, donc il devient indien parmi les Indiens pour survivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un basculement chez cet homme, puisqu'il va devenir, alors qu'il a quand même été au début extrêmement maltraité par les Indiens, mais il va devenir un grand défenseur des droits indiens. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de captifs, c'est qu'après avoir été insérés dans les communautés indiennes, qui fonctionnent sur des modes différents d'une autre, ils viennent vraiment des transfuges culturels. Et là, Cabeza de Vaca va demander aux autorités espagnoles de mieux traiter les Indiens, de mieux contrôler ce qui se passait. Parce que d'un côté, il y a l'entreprise missionnaire qui, elle, dans beaucoup de cas, reste décente, je dirais. Évidemment, c'est une domination, mais il y a... quand même un peu d'humanité chez les missionnaires. Ils ne sont pas là pour détruire les populations. Et puis, il y a les colons. Et le colon, c'est toujours l'ennemi de l'Indien. C'est que lui, il veut la terre, il veut abuser des femmes. Et il ne s'embarrasse pas de ces êtres humains qui, pour lui, sont des infra-humains, qui sont quand même les habitants légitimes de l'Amérique. Alors, la suite de Cabeça de Vaca, c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir d'autres expéditions au retour de Cabeça de Vaca, notamment ses compagnons. Parmi les trois compagnons, il y a un mort, Estebanico, qui va commencer à raconter des histoires incroyables, qu'il a vu des cités d'or. Alors là, on rencontre la légende dans ces hauts plateaux qui sont aujourd'hui dans l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et ça va susciter d'autres expéditions, notamment celle de Coronado, qui va aller se perdre alors, au milieu du XVIe siècle, dans ces hauts plateaux, qui va échouer pratiquement sur tous les fronts, qui va arriver jusqu'à la limite des plaines habitées. Bisons, puisqu'il décrit des bisons, c'est évidemment étonnement des Européens face à ces immenses troupeaux de bisons à l'époque, par millions, et ils sont présents encore à l'époque, donc dans le Southwest, alors qu'après, on sait bien, surchassés, ils vont quasiment disparaître. Mais ce qu'on voit à l'œuvre, alors vraiment dans ces expéditions espagnoles, sans aller jusqu'à la tradition de la légende noire, puisque ça va être un peu véhiculé par les Français et les Anglais, pour dire que les Espagnols ne sont pas gentils, mais il y a vraiment des abus terribles. Et on le voit, c'est-à-dire que toute la stratégie consiste à, et on le voit chez l'expédition Coronado, qui est elle aussi en 1540, c'est vraiment j'arrive, je m'installe, je prends, j'abuse, j'utilise la terreur comme moyen de pénétrer plus avant dans le territoire. C'est-à-dire, je prends quelqu'un d'une tribu en otage et je l'envoie en direction de la tribu suivante pour qu'il leur dise à quel point nous sommes dangereux. C'est vraiment une entreprise de terreur. Et planifiée, donc. Alors, qu'est-ce qui nous reste de cette période-là? Quel texte fondateur de ces premières rencontres, Marie-Hélène Fraissé? Alors, il nous reste, donc, outre ce magnifique récit de Cabeça de Vaca, il y a par exemple le récit de Coronado et de celui qui l'a précédé, nous donne quand même une chronique assez fidèle, parce que ce sont des chroniques, il faut toujours voir dans un texte de voyage à qui s'adresse ce texte, pour comprendre l'éventuelle censure, par exemple. Alors ça s'adresse souvent au roi, ou ça s'adresse plus tard, vers le 18e, au directeur de la Compagnie des Fourrures, où ça va s'adresser aux autorités religieuses quand ce sont des missionnaires. Donc, ils en réfèrent chaque année à propos de leur mission à leurs autorités religieuses. Donc, forcément, le texte est orienté vers son commanditaire. Voilà. Et puis, alors, il y a toute la partie fantasmée. Et là, je peux vous donner un exemple. Donc, après Cabeça de Vaca, donc Estebanico accompagne un frère, Marcos de Niça. Et ils vont dans l'intérieur des terres. Et voilà ce qu'il dit, ce frère Marcos de Niça, qui d'ailleurs va être assez peureux. Il ne va pas entrer dans la ville qui décrit la Cibola, il va la décrire de loin. Mais alors vous allez voir, c'est une ville merveilleuse. J'avançais jusqu'en vue de Cibola, donc, qui est située dans une plaine au sud d'une montagne ronde. Elle a un bel aspect de ville, dans le plus beau site qu'on puisse voir dans la région. Les maisons sont du modèle que m'avaient décrit les Indiens, toutes en dur, avec leurs étages et leurs terrasses. À ce que j'ai pu voir d'une hauteur où je me postais pour examiner la ville, c'est-à-dire il la voit de loin. Et ce qu'il décrit, c'est une ville de pueblos, d'Indiens pueblos. Et alors là, délire total. Elle est plus grande que Temistitlan, c'est-à-dire Mexico, qui contient plus de 20 000 maisons. Les gens y sont presque blancs, très important, la couleur de la peau, ça revient sans arrêt. Les gens y sont presque blancs, vont habillés, couchent dans des lits. Ils ont pour armes des arcs. Ils possèdent beaucoup d'émeraudes et autres joyaux. Encore qu'ils n'apprécient guère que les turquoises, ça c'est vrai. Émeraudes, il n'y a pas, mais turquoises, oui. Les turquoises dont ils ornent les parois des portes des maisons, les habits et les vases, et qui s'échangent comme monnaie en tout ce pays. Et ce que va véhiculer ce texte, et ça, c'est, ça m'a beaucoup amusée quand je suis allée dans, le, dans la région, c'est l'idée que les maisons sont couvertes de plaques d'or. Or, ce sont des maisons en pisé, mélange de terre et de paille, et cette, ce mélange scintille dans le soleil. Et on a l'impression que ce sont des cités tout en or. Moi, je l'ai vu vraiment. J'ai... Alors, je ne sais pas si j'extrapole. Et en voyant de loin ces cités qui scintillent dans le soleil à cause de la paille qui est dans le pisé des maisons, eh bien, ces conquistadors, la première vague de conquistadors, va imaginer que ce sont des cités tout en or, ce qui va évidemment attirer d'autres expéditions. Merci Marie-Hélène Fraissé. On continue cette semaine à parler des Indiens, des premières rencontres, les Indiens d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes. Demain, troisième épisode, et demain, cap sur le Mississippi. On va descendre avec vous le Mississippi, mais je rappelle que tous les mardis à 15h, vous êtes sur France Culture pour tout un monde. Et aujourd'hui, vous allez parler de quoi, Marie-Hélène Fraissé? Nous parlons de l'Amazonie. Alors, c'est très contemporain. Ce sont les spoliations des peuples autochtones de l'Amazonie. À tout à l'heure, Marie-Hélène Fraissé. Et pour notre série, à demain. Mokanda na ye banzela oke motema mokobeta motupe kosuanga nobelanga isoki lipota na somba kite lelo na somba e nobelanga isoki masanga na pesa kite lelo na pesa e nobelanga isoki lipota na somba kite lelo na somba la ye maina yo na ye koluka yo awa e salinga Pasi e salinga na na e baina yo na e koluka yo mawa e salinga pasi e salinga ye bisanga soki bolingo na pesa ke yo ezala ki flue yo moko ye bi Pona yo, nga banga kaliwate Basi nyoso baibie Pona yo na kufakala Solo na yo ya nzoto Lokola malasi ya jarde de den Lobela ngai soki masanga na pesa kite Lelo na pesa yi Lobela ngai soki liputa na somba kite Lelo na somba na ye Paina yo, na ye koluka yo Mawa e salinga, pasi e salinga Na na e paina yo, na e koluka yo Mawa e salinga, pasi e salinga Samba na nani ye, na lela na nani ye awaya mokeza la kate. Oyanga mapanzo yanga pinzoli ebonga kite okumbanga nakati alibulu atabongo kobanza ngai mokwelezali okolelanga mokili yango e yebaka mokili se bongo ngana sama na nani lema na kokende wapi na ye paira yo na ye koruka yo awa e salinga basie salinga na na ye paira yo. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Et maintenant, l'invité culturel. Comme tous les premiers mardis du mois, mon invité, Auriane Jeancourt, bonjour. Bonjour Toufik. Vous dirigez, je le rappelle, la section littéraire du magazine Transfuge. Et ce mois-ci, Transfuge s'ouvre au monde, que ce soit pour le cinéma ou pour la littérature, mais commençons par les livres. Oui, oui, absolument. Alors on a en couverture un auteur qu'on adore, qui est Gary Steingart. On le suit depuis ses premiers romans et là il écrit ses mémoires. Il les appelle « Mémoires d'un bon à rien ». Il faut savoir que Gary Steingart, c'est un peu la rencontre de Groucho Marx, de Cervantes et de Gogol, vous voyez. Il est extrêmement drôle et en même temps il peut nous faire rire aux larmes. Là, il nous raconte sa jeunesse, son enfance d'immigré. C'est-à-dire qu'il est arrivé à 7 ans aux États-Unis, il venait de l'Union soviétique. Il raconte comment est-ce qu'il est arrivé, il ne parlait pas un mot d'anglais. Et il dit « je suis passé finalement de Lénine à Nixon ». Et comme il le dit d'ailleurs, d'un taré à l'autre. Et ensuite, donc, il a fait son enfance là-bas. Il est devenu un des jeunes écrivains américains les plus lus et les plus aimés. Donc, il nous donne un grand entretien. Et puis, on revient voilà, sur ses mémoires qui sont, je vous l'ai dit, drôles, mais en même temps assez justes sur ce que c'est que d'avoir 35-40 ans, d'être né dans un pays, dans un empire en ruine, et d'avoir grandi, comme il le dit, dans un autre empire qui est un peu en ruine et qui est les États-Unis. Donc, ces deux cultures avec lesquelles il vit, avec lesquels il grandit et avec lesquels il écrit. Les désillusions et les rêves qui vont avec aussi. Absolument. Et puis pour la littérature française. Alors la littérature française, on est très content parce qu'il y a trois livres formidables qui paraissent en même temps, qui sont ceux de Yannick Enel, de François Bégodeau et de Jérôme Ferrari. Alors a priori, ils n'ont pas grand-chose en commun, puisque l'un, celui de Yannick Enel, Je cherche l'Italie, et celui d'une fuite en Italie. Bientôt invité, c'est un livre que je défends avec vous, Auriane Jeancourt. Que j'aime beaucoup, dans l'Italie contemporaine et pas seulement. Je mettrai un bémol pour le dernier Jérôme Ferrari, mais enfin. Alors Jérôme Ferrari, donc François Bégodeau, c'est la politesse, c'est une satire un peu de... Du milieu littéraire. Du milieu littéraire, j'allais dire de notre aussi, monde. Je l'attends pour le salon du livre, tiens. C'est vrai? Ouais, ah oui. Bah oui, il sera formidable. Je pense qu'il vous a fait rire autant que moi. J'espère qu'il me fera rire. Et Jérôme Ferrari, oui. Mais pour le livre, est-ce que... Alors, vous avez bien rigolé pour le livre de François Bégodeau. Ah oui, qu'est-ce que j'ai ri. Oh, bah, c'est-à-dire cette satire, évidemment, des médias, des écrivains, de tout ce grand cirque littéraire, dont on fait partie, bien sûr. Oui, parce qu'il parle beaucoup de la promo et de journalistes dans ce livre. J'attends de pied ferme François Bégodeau, mais oui, Auriane Jeancourt, ce livre m'a beaucoup fait rire. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il va se faire encore beaucoup d'amis, le François Bégodeau. Ça, c'est sûr qu'il n'écrit pas pour se faire des amis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pour ça qu'il est bon. Et Jérôme Ferrari, alors ça, c'est complètement autre chose. Heisenberg, donc, c'est-à-dire l'inventeur de la physique quantique qui va participer... À la bombe nucléaire et puis qui va finalement, selon lui, empêcher l'Allemagne d'avoir la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est complètement autre chose. Et bien on les a fait dialoguer tous les trois sur leur roman, mais aussi sur leur vision politique de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après les attentats... contre Charlie Hebdo. Après les attentats contre Charlie Hebdo, bien sûr. Après l'appel à l'unité nationale, qu'est-ce que ça signifie pour eux, écrivains d'une quarantaine d'années, cette unité nationale, qu'est-ce que ça signifie pour eux, la liberté d'expression, qu'est-ce que ça signifie pour eux d'être, vous savez, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, en résistance. Est-ce que c'est des mots qui ont un sens pour eux ou pas? Donc c'est un long débat et ils sont tous les trois très justes. C'est dans le dernier numéro en vente de Transfuge. C'est un magazine culturel. culturel, il n'y a pas que la littérature, il y a aussi le cinéma avec une exclusivité, une interview d'Al Pacino. Oui, bravo. Oui, absolument. Oui, alors on était très contents en effet parce qu'il nous a donné 6 pages d'interview, une rencontre où il revient sur toute sa carrière et sur toute son enfance. Et finalement, il raconte son enfance qui n'est pas très loin de celle de Gary Steingart, vous voyez, sauf que lui, c'était évidemment à Little Italy. Mais il raconte comment est-ce qu'il s'est fait, comment est-ce qu'il sautait de toit en toit dans le Bronx, comment est-ce qu'il a risqué sa vie et puis qu'il découvre le cinéma, les textes à 20-25 ans. Il parle de Marlon Brando, il parle de Sidney Pollack, enfin il parle de tous ces gens qui ont fait sa vie et qui ont fait de lui une star. Parce que, et aussi de Sidney Lumet, bien sûr, parce que Un après-midi de chien, c'est peut-être un des meilleurs films de Sidney Lumet. Il est vraiment merveilleux. Merveilleux, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ça que vous mettez en couverture, ce qui vous honore. D'ailleurs, Transul, vous auriez pu jouer la carte Pacino, non, vous avez décidé de mettre en avant un film que je n'ai pas vu. Alors, c'est un film qui nous vient d'Estonie. Oui, qui nous vient d'Estonie, qui est un film absolument fabuleux, signé Marty Held. Vous ne le connaissez sans doute pas, et bien moi non plus je ne le connaissais pas, parce que c'est son premier long métrage, et c'est absolument formidable. Ça s'appelle Crosswind, la croisée des vents, et c'est un film qui revient sur les déportations staliniennes dans les années 40, comment est-ce que les intellectuels estoniens ont été en grande partie déportés dans des camps. C'est un film qui a un grand poids historique, mais aussi dans sa forme est très impressionnant, puisque c'est un film tableau. C'est entièrement en noir et blanc et c'est construit comme des tableaux. Marty Held parle beaucoup comme inspiration de Haneke, mais quand on le voit, on pense aussi beaucoup à Greenaway. Donc vous voyez, ce sont des tableaux vivants, c'est terrible et en même temps c'est d'une puissance inouïe. Et enfin, Auriel Jeancourt, je vous rappelle qu'au mois de mars, à la fin du mois, c'est le grand festival du Polar, Quai du Polar à Lyon, 11e édition. Ça sera pour nous une occasion de parler, bien sûr, des 70 ans de la série noire, avec... en prévision, un long week-end mauvais genre, mais je n'en dis pas plus. Mais moi, dans Un autre jour est possible, je vais ouvrir plutôt sur les polars qui se font ailleurs dans le monde, c'est-à-dire en Amérique latine, en Afrique aussi. Mais vous avez aussi quelques coups de cœur de polars édités cette année, Auriel Jeancourt. Le choix de Transfuge. Écoutez, on va faire un numéro spécial polar en avril, comme on le fait chaque année, notamment pour accompagner Quai du Polar. Et c'est vrai que là, on a des polars de toute nationalité. Je sais que il y a Victor Del Arbol, notamment, qu'on aime beaucoup chez Actes Sud. Il y a aussi beaucoup d'écrivains de toute nationalité. Il y a Connelly, évidemment, qui va être un incontournable, mais il y a aussi quand même quelques Français, notamment Laurent Chomeil, qui a écrit un polar qu'on aime beaucoup qui s'appelle Grande Zéro. Eh bien, très bien, merci pour ces coups de cœur partagés avec Un autre jour est possible, Auriel Jeancourt. On prend rendez-vous pour le mois prochain, tous les premiers mardis du mois. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, Auriel Jeancourt. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr, réalisé par Thomas Duterre. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour votre réveil culturel. Dans un instant, Marc Winchet.